En Corée, le groupe de chercheurs de l'Institut du circuit intégré de l'Académie nationale des sciences a exploité l'appareil de filtrage des eaux de mer. Le taux de dépense de l'électricité de la dernière invention coréenne est inférieur à plus de 20% que les précédents des pays développés avec moins de prix coûtants. À l'aide d'une membrane semi-perméable ayant un trou à 1 nanomètre, on élimine plus de 99,5% de sel et d'ions de l'eau pour le niveau de la qualité d'eau potable plus élevé que les normes. La capacité de raffinage par jour est 10 000 litres. L'exploitation d'appareils de filtrage des eaux de mer à haute teneur de sel et de plancton à usage d'eau potable permettra d'améliorer la vie du peuple et à tirer un grand profit économique.